Chapitre 159. S'empresser à rembourser les dettes du mort et à préparer son enterrement, sauf si la mort est subite. Dans ce cas, il ne faut l'enterrer qu'après s'être assuré du décès. 943. Selon Abu Huraira radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit « L'âme du croyant décédé reste prisonnière jusqu'à ce que ses dettes soient remboursées. » At-Tirmidhi a dit « Hadith Hassan ». 944. D'après Hussein ibn Wahwah radiallahu anhu, quand Talha ibn al-Bara radiallahu anhu tomba malade, le prophète alayhi salatu wassalam vint lui rendre visite puis affirma « Je pense que Talha va bientôt mourir. Prévenez-moi quand ce sera le cas et dépêchez-vous de l'enterrer. » En effet, il ne convient pas que le cadavre du musulman soit retenu au milieu des siens. Abu Daoud. Hadith jugé faible par Sheikh al-Albani. Rahimahullah.